va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Où ça mène? La vie me joue des tours, le compte de sa mère. C'est tout le temps la même. Les potes vont et reviennent, c'est comme ça. Y'a des bas, y'a des hauts. Y'a des vrais, y'a des faux. Y'a des tueurs, y'a des go. Sur une roue, je suis debout. Je passe en zone, je fais coucou. L'équipe, puis je leur mets un trou. Je leur mets un trou. Votre salope où je crèche, elle m'envoie loin ma gueule. J'aimerais trop être heureux, mais trop de choses m'en empêchent. Quand je suis retiré, je tourne en rond. Ah oui, je vois des gens toucher le fond. Heureusement que j'ai connu le son. Ce qu'on boit, c'est pas de l'eau. Normal qu'on finisse tout ça. On navigue comme des matelots. Jusqu'ici tout va bien. C'est grave le coup, ça me casse les couilles. Faut que je fasse le fou, que je casse des codes. Personne m'aide donc je me débrouille. M'en voulez pas si je fais des choses. Je partout quand je sonne. Je suis fier de moi quand je vois que ça donne. Mon public se pèse en tonne. On fait une photo mais je joue pas l'Al Capone. Jusqu'ici tout va bien. Ceux qui n'ont pas, forcément je deviens une proie.